Bonjour à tous. Moi, quand Xena est sortie à la télé, j'avais 12 ans. Eh ben, j'étais peut-être sûrement très naïve, hein, mais j'avais pas compris qu'elles étaient lesbiennes. Hein. Salut tout le monde. Bon, ben, je me suis bien fait spoiler comme il faut. Ben, je savais pas. Je savais pas pour Xena. Je vais pleurer dans ma chambre. Au revoir. Je suis scandalisée par l'intervention de Fabien Santès dans l'émission d'hier. Je suis désolée. Mais quand on est payé avec nos impôts, la moindre des choses, c'est de ne pas aller troller les émissions des confrères. Vraiment, c'est d'un niveau... On se croirait sur France Inter, quoi. Fabien Santès, c'est la meilleure. Fabien Santès. Surtout quand elle passe à Blockbuster. Blockbuster, vous avez refait ma journée. Entendre du Xena sur France Inter. Personnellement, je suis une fan incontestée de Gabriel, mon amour de jeunesse, inavoué. Voilà, je rêvais de son petit soutien-gorge et puis de ses tridents. Je viens d'écouter Xena, la Mytho Woman en podcast et un gros souvenir de mes tendres années, MacGyver. Il faut en parler. C'est indispensable. Bonjour, message particulier à Frédéric. Frédéric, bravo. Merci d'avoir été tenace et d'avoir réussi à imposer une séance sur Xena, princesse guerrière. Après tout, l'an dernier, tu as été obligé de faire un épisode sur Charmed, donc ce n'est que juste cause. To be or not to be, not to be. Vous imaginez si la vie fonctionnait comme un jeu de rôle ? À la naissance, on te filerait une feuille de personnage avec des statistiques. Dites, comment ça se fait que sur la mienne, j'ai très peu de points d'intelligence et beaucoup d'endurance ? Eh bien parce que Frédéric, je te dis tous les jours que t'es con et t'en as rien à faire. Ah, c'est pas faux. Les personnages de jeux de rôle, ils ont pas besoin de psychanalyse, il leur suffit de lire les caractéristiques du groupe auquel ils appartiennent. Ok, donc je m'appelle Michel, je fais partie de la race des énarques. J'ai 45 points d'intelligence, mais un bonus de confiance en moi de 92 points supplémentaires qui me permet d'avoir une foi totale en mes capacités. Je suis particulièrement à l'aise dans les administrations. Ah, par contre, je perds 32 points d'agilité quand je suis en milieu rural. Mes faiblesses sont les détournements de fonds et les agressions sexuelles, mais si mes points de vie sont suffisamment bas, j'échappe automatiquement à la prison et je peux même bénéficier d'un poste de ministre grâce au sort remaniement. Mais c'est de la balle ce personnage! Ah, par contre, ça marche que si je suis un homme. Les rencontres sentimentales aussi seraient beaucoup plus simples. Bonjour mademoiselle, votre père devait être un voleur. C'est bon, t'as combien en charme ? J'ai 27. Lance le dé, plus 12, c'est bon, couche ensemble. Même les entretiens d'embauche iraient à l'essentiel. Écoutez, vous avez 52 points en force, 75 en endurance et 6 points en chance. Vous avez exactement le profil que nous recherchons. Et oui, mais au niveau salaire. Lance le dé, 12 plus 6, 18. Ah, c'est dommage, on paie le SMIC qu'au-dessus de 44. L'avantage des jeux de rôle, finalement, sur la vraie vie, c'est qu'au moins, on peut changer de personnage à chaque partie. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. L'Empire d'Izmer est depuis longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, ne sont guère plus que des esclaves. Savina, la jeune impératrice d'Izmer, souhaite l'égalité et la prospérité pour tous. Mais Profion, le mage maléfique, a de tout autres projets. Au commencement, il y a des passionnés qui s'amusent à reconstituer les grandes batailles romaines ou napoléoniennes. Et puis en 1970, deux Wargamers, comme on les appelle, Dave Arneson et Gary Gygax, décident de donner la possibilité aux joueurs d'incarner un combattant unique au lieu d'une armée. Dès lors, l'imaginaire prend le relais, la possibilité de créer son personnage, un maître de jeu, des dés, ça y est. Le jeu de rôle tel qu'on le connaît était né et avec lui son avatar le plus connu, Donjons et Dragons. Pour revenir sur ce jeu de rôle mondialement connu, j'ai à mes côtés Coralie David, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête des éditions Lapin Marteau avec Jérôme Brandelaré et vous avez fait une thèse sur les jeux de rôle et depuis 10 ans vous travaillez dans l'édition des jeux de rôle et de la littérature de l'imaginaire. Tout à fait. Avec nous, évidemment, Jérôme Brandelaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur au sein de la société Lapin Marteau, théoricien du jeu de rôle et meneur de jeu. Vous avez participé à l'ouvrage Le jeu de rôle sur la table, laboratoire de l'imaginaire et à la boîte à outils du meneur de jeu aux éditions Lapin Marteau. Exactement. Avec nous également Mathieu Levis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marketing et de la communication au studio Ankama. C'est ça. Et enfin, Samuel Cohen-DeVos, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, gamer, passionné de jeux de rôle. Bref, vous êtes l'homme de la situation. Yes, c'est moi. Ensemble, on va revenir sur la création de Donjons et Dragons, sur les règles qui sous-tendent les jeux de rôle, la magie d'un jeu où l'imaginaire seul sert de contrainte. On parlera de tout ce qu'apporte le jeu de rôle en termes de plaisir, mais on évoquera aussi à quel point les stigmates du jeu de rôle se sont diffusés dans d'autres médias et d'autres supports contemporains. Allez, j'ai lancé les dés, j'ai un bonus d'initiative. Blockbuster D&D, c'est parti. Jeu de rôle. Et alors, vous remarquez qu'à votre droite se trouve un merveilleux château dans les brumes, et à votre gauche, un peu plus loin, à disons un kilomètre, vous distinguez une tour. À quoi vous jouez ? On joue un jeu de rôle qui se passe dans un monde imaginaire où progressent des aventuriers comme les guerriers, les magiciens, les voleurs, plusieurs races aussi, des elfes, des gnomes, des demi-orques, des alfogres. Moi, je suis Squeezer le roux, qui est un guerrier, qui est très très fort. Il a 18 et quelques en force. Moi, je joue un guerrier et j'assure la protection de l'illusionniste. Et mon but, c'est d'acquérir le plus d'objets magiques possible. Moi, c'est un paladin. Et il défend les veuves et les orphelins. Moi, je joue une illusionniste qui est très belle et qui joue tout en finesse, en lançant des sorts. Bon, vous êtes là. Là y a... L'important, c'est de devenir le plus puissant. Et un voleur, il est puissant s'il a de l'argent. Un guerrier, il est puissant s'il a de très bonnes armes et de très bonnes armures. Je lui dis... Pourquoi est-ce que tu joues à ce jeu ? C'est un moyen de m'évader de la vie quotidienne. Attendez que je suis un enfant de 13 ans, bon, dans mon jeu, là, je suis un adulte, je suis puissant, je suis riche, je fais ce que je veux. Alors que, bon, dans la vie réelle, je peux pas faire ça. Peut-être. C'était un extrait d'un reportage de Récréa 2 sur les jeux de rôle en 1987. Coralie David, Donjons et Dragons sur la planète, ça représente combien de joueurs pour situer, avant même de rentrer dans les détails, et ça a été traduit en combien de langues ? Waouh, alors ça, c'est pas forcément les chiffres exacts que j'ai en tête là maintenant tout de suite. En fait, ça a pas mal évolué. Récemment, en fait, il y a Wizard of the Coast, donc qui est la boîte qui publie Donjons et Dragons aujourd'hui, qui en fait a fait des études en leur nom. Donc en fait, les chiffres qu'ils ont donnés eux, c'est qu'il y avait 20 millions de gens qui avaient déjà joué au jeu de rôle en 2004. En 2017, aux USA, ils ont chiffré ça entre 12 et 15 millions dans le monde. Et pour eux, 2019, c'est la meilleure année qu'ils ont jamais eue, en fait. Donc, ils parlaient notamment de Twitch, où les gens regardaient l'équivalent... Je rappelle, Twitch, c'est, c'est une chaîne de streaming où on peut regarder les gens jouer, etc., sur Internet. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, du coup, il y a l'équivalent de 70 millions d'heures qui ont été regardées. Et par rapport à 2017, ça représente une évolution de 10 fois plus, ce qui est assez impressionnant. Mais donc, il y a un chiffre vraiment hyper important de joueurs sur la planète. Et depuis sa création, ça n'a jamais cessé, en fait. Alors, il y a eu des hauts et des bas, notamment, finalement, dans le petit passage à vide qu'il y a eu, on va dire, dans les années 90. Fin 90, début 2000. Qui est dû à quoi ? Qui est dû notamment à une espèce de chasse aux sorcières. En général, les causes, elles sont multiples. Il y en a qui parlent aussi de l'arrivée de Magic, le jeu Magic, qui est un jeu de cartes à collectionner. En fait, c'est compliqué de savoir exactement. Ça a été vraiment un faisceau d'événements. Mais ouais, il y a une espèce de chasse aux sorcières. Bah, comment on assiste sur plein de médias de la culture populaire, que ce soit les comics, les jeux vidéo. Oui. Ça fait drastiquement baisser le nombre de joueurs. Notamment en France, il y a eu des clubs qui ont fermé suite à ça. Donc ça a été pas mal fluctuant, mais on va dire depuis début 2010, il y a vraiment un réel engouement. C'est reparti à la hausse, mais voilà, avec des chiffres qu'on n'aurait jamais espéré quand on a commencé à travailler dans l'édition ou quand j'ai commencé à faire ma thèse, quoi. Jérôme Brandelaré, qu'est-ce que Donjons et Dragons ? Alors, Donjons & Dragons, c'est le premier jeu de rôle, et c'est le premier jeu de rôle dans la plupart des sens du mot premier. C'est-à-dire que c'est le premier historiquement. C'est le premier en étant le plus joué. Et pour faire simple, c'est un jeu, un ensemble de règles qui nous permet de jouer un personnage dans un univers qui ressemblerait à une Europe fantasmée, moyenâgeuse, de la fantasy. Récemment, vous avez fait une émission, vous parlez de l'univers de Xena la guerrière, qui est un espèce d'univers où un peu tout était aggloméré. Bah là, c'est un peu pareil dans Donjons & Dragons. On peut agglomérer un peu tout ce qu'on veut en fantastique et pour pouvoir jouer les aventures qui nous intéressent. Jérôme, vous êtes en train de dire qu'il y aurait une certaine cohérence entre mes émissions ? J'irai pas jusque-là, quand même. Ah oui, mais arrêtez-vous, parce que je suis pas prêt. Hein. Il est encore tôt. Samuel Cohen-DeVos, vous êtes un amateur de jeux de rôle, et Donjons et Dragons, forcément, ça vous parle. Ah bah énormément, surtout, mais non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que comédien, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'audimat sur Twitch de Donjons et Dragons qui a explosé, notamment grâce à une bande de comédiens qui sont très actifs dans le doublage aux USA, Critical Role, donc des gens comme Matthew Mercer, Laura Bailey, Marie Charret, qui en fait ont décidé de créer leur partie de D&D en web-série, tous les jeudis vers 19h heure américaine sur Twitch, et ils ont des millions et des millions de vues, et en tant que comédien, c'est tout ce que je rêve de faire, en fait, tout simplement. Mais aussi, carrément, ils ont même joué des sessions de jeu au théâtre. Alors, il faut rappeler que D&D signifie Donjons et Dragons. Yes. Hein, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà. Alors, Mathieu Levis, vous êtes joueur également. Je suis joueur. Vous travaillez au studio Ankama, à qui l'on doit le jeu vidéo Dofus et Wakfu. Tout à fait. Votre univers doit beaucoup à Donjons et Dragons. Alors, de manière générale, Donjons et Dragons se base sur tout ce qu'on appelle le fantasy, donc le médiéval fantastique. Dofus et Wakfu font partie de cette famille. Pour autant, on a beaucoup de dragons, c'est vrai. Dofus, ça signifie les œufs de dragon, en fait. Et ces œufs de dragon, les joueurs doivent les récupérer parce qu'ils confèrent des pouvoirs énormes. Mais nous sommes très très loin de l'univers de Donjons et Dragons. Ou alors, si vous nous comparez à Donjons et Dragons, c'est de la même manière qu'on va comparer Tolkien et Terry Pratchett et son disque monde. Donc on est plutôt le versant pop culture burlesque du médiéval fantastique. C'est une très bonne réponse. Hein. Seriez pas comme Unicorn ? Je n'ai que des bonnes réponses. C'est incroyable, incroyable. Coralie David, qui sont les créateurs de D&D, Donjons et Dragons, et d'où viennent-ils ? Alors donc c'est Dave Arneson et Gary Gygax. À la base en fait, c'est des joueurs de Wargames. Donc en fait le Wargames c'est un jeu qui vient d'une pratique de stratégie militaire, c'est-à-dire qu'il y a un Prussien qui se dit pour simuler les batailles, faire de la stratégie, on va se faire des petites maquettes, des petits pions, et puis on va faire de la stratégie comme ça. Ça devient un jeu, notamment avec un auteur de science-fiction qui s'appelle H.G. Wells, et donc ils viennent de là, ils jouent beaucoup à ces jeux, et contrairement à ce qu'on pense, déjà, il y a des petits morceaux de jeux de rôle dans leur pratique dès les années 60, parce qu'ils s'écrivent des lettres en tant que personnages. Donc du coup, quand ils commandent des armées, il faut imaginer qu'il n'y a pas Internet. Donc du coup, l'envoi de lettres, c'est super important dans le jeu. Et du coup, donc c'est des parties très longues, parce qu'il faut que la lettre arrive. C'est ça, il y a un certain sens de la patience, quoi. Et pour le coup, déjà, ils incarnent des personnages dans ces lettres. Ensuite, ils se disent, la fantasy, c'est quand même vachement bien, parce que les batailles historiques, c'est cool, mais franchement, faire taper des orques avec des elfes, ça va quand même être un peu plus fun. Donc, il faut dire que Gygax était un lecteur d'Heroic Fantasy. Il aimait notamment Conan de Howard. Enfin, je suis pas encore en train de faire un lien avec... Non, c'est sûr, c'est même cité. Donc, dans le jeu, en fait, il crée de Chainmail, qui est un wargame encore, où il y a un supplément fantasy, et déjà, on a Tolkien, on a Howard qui sont cités. Et ensuite, après ça, Dave Arneson donc, et Gygax créent ce qu'on appelle ODD dans le jargon, c'est-à-dire la toute première version, Original Dungeons & Dragons, la toute première version de Donjons & Dragons. Ce qui va vraiment faire que c'est le premier jeu de rôle, ça s'appelle pas encore comme ça. C'est un titre à rallonge. En gros, c'est des règles pour un jeu qu'on peut jouer avec des figurines, mais on n'est pas obligé. Enfin, ça fait trois lignes, c'est oui, une horreur. Oui, il y avait un catalogue de règles, mais qui était hallucinant. Ouais, c'était... Merci la cinquième édition. C'était assez fou. Et en fait, ce qui va faire que c'est le premier jeu de rôle, il y a plusieurs paramètres. Un truc qu'il n'y a vraiment pas dans les wargames, c'est le côté exploration. En fait, Dave Arneson, il écrit une campagne qui est restée célèbre, qui s'appelle Blackmoor. Et vraiment, on va être dans le comté, on va découvrir un univers au lieu de se foutre sur la tronche sur les champs de bataille. Et ça, on va vraiment, après avoir tout le côté développement d'univers, on va avoir le statut des règles aussi, qui vient du wargame, là pour le coup, où vraiment on dit les règles, c'est des guides, c'est pas des contraintes. Les règles, c'est des outils pour notre imagination. Et en fait, l'imagination, elle prime sur la règle. Et ça va être un truc qui va être super important. On va continuer de parler de Donjons et Dragons, mais pour le moment, on écoute Limahl avec Never Ending Story. C'était le thème de l'histoire sans fin dans Blockbuster sur France Inter. On entend une chose approcher. Elle est en colère. Elle a soif de sang. Cette chose est toute proche. Qu'est-ce que c'est ? Je parie que c'est le Thessalidra. C'est pas le Thessalidra. Tu m'énerves, te dis que c'est le Thessalidra. C'est le Thessalidra. On est dans la merde. Il gronde de colère. Will, jette un sort. Je sais pas quoi faire. Envoie une boule de feu. Allez. 14 wow. Frappe direct. Le Thessalidra s'est pris la boule de feu de Will le sage. Il agonise à mort. Et à la fin, il s'écroule par terre. Il cherche à t'atteindre avec ses griffes une dernière fois. Et là, et là, et là. Lucas lui tranche ses 7 têtes et Dustin les fourre dans son sac sans fond. Triomphant, vous sortez du donjon avec les têtes et vous les apportez au roi Tristan. Il loue votre bravoure et votre dévouement. Me dis pas que ça s'arrête là. Non, il vous remet une médaille. Oh, une médaille, t'y crois pas, mais qu'est-ce que tu racontes encore? Et... elle était trop courte, cette campagne. C'est clair, elle a duré 10 heures. C'était vraiment n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Tu rigoles, t'oublies le chevalier noir. Et la princesse majestueuse. C'était un extrait de la saison 1 de Stranger Things sur Netflix et vous venez d'entendre Marie Facundo, Casey Chase, Fanny Block qui doublent respectivement les personnages de Mike, Dustin et Will. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message sur le sujet du jour, sur notre répondeur au 01 56 40 30 20, mais j'ai le sentiment que vous avez compris. Nous sommes toujours avec les éditeurs Coralie David et Jérôme Larré, Mathieu Levis, le responsable de la communication des studios Ankama et le comédien Samuel Cohen-DeVos. Jérôme Larré. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les jeux de rôle, comment on y joue et par quoi faut-il commencer? De quoi on a besoin? Alors, moi je peux vous proposer, si vous voulez, d'y jouer là en 2 minutes, si ça vous tente. Ben, allons-y, yes. Let's go. Bon, ben essayons. Alors, on va le faire avec un seul joueur, peut-être Frédéric, si vous voulez. Bah, ça peut aider. Hein, allons-y. Oui. Alors, imaginons que, je sais pas, prenez le thème de Blockbuster vous préférez, j'en sais rien... les super-héros, peut-être? Oui, parfait. Dites-moi quel super-héros vous voulez incarner chez Marvel, par exemple? Wolverine. Wolverine, très bien. Vous êtes Wolverine, vous êtes en train de rentrer chez vous après avoir chassé des méchants. Enfin, on va faire simple pour les gens qui connaissent pas Marvel. Et au moment où vous rentrez chez vous, votre maison a pris feu. Qui vous appelait en premier? Iceman. Un des membres de mon équipe, parce que comme il est en glace, il pourra éteindre le feu plus rapidement que moi. Alors voilà, vous avez déjà fait du jeu de rôle en fait, vous venez d'en faire. Vous êtes projeté à la place d'un personnage, vous avez choisi... C'est comme Monsieur Jourdain qui fait des... Voilà, après, bon, en général, on rajoute de la pizza, on rajoute des crayons, on rajoute des dés, on rajoute plein de choses. Alors si vous faites ça, je vous demande en mariage. Hein. Parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Je suis Wolverine, vous me proposez de la pizza ensuite, là c'est bon. Hein. Bon, Coralie, on va rester plus longtemps sur Paris, en fait. Je serai pour témoin avec plaisir, Jérôme. Le jeu de rôle, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Ça peut être avec ou sans meneur de jeu. Donc le meneur de jeu, c'est plus ou moins l'arbitre ou celui qui raconte l'histoire, on va dire. Même si c'est une façon très, très caricaturale de le dire. Ça peut être avec plusieurs joueurs, pas de joueurs. Il y a plein de versions différentes, ça peut être en ligne, à distance, enfin, il y a plein de choses. Mais la base, c'est ça. La base, c'est on se projette dans un personnage et on réagit à des situations. Et on fait comme si on était le personnage. D'accord. Samuel Cohen-DeVos, yes. Parlez-nous de ce dé, des jeux de rôle, ce fameux dé icosaèdre. D20. D'ailleurs, le nom d'une plateforme en ligne pour jeux de rôle, donc pour savoir si c'est vous avez un dé à 20 faces. Un dé à 20 faces. En fait, la plupart des tests, on va te demander, genre, tu marches dans la rue, soudainement tu dois courir pour attraper ton bus, fais-moi un jet d'endurance, fais-moi un jet d'athlétisme. Donc, tu vas prendre ton dé, tu le roules, je viens de faire un 14, alors supposons que j'ai un plus 2, j'ai fait 16. Je réussis donc à rattraper le bus. Oui, il y avait peut-être un russe dans le bus, on sait pas. Il y avait peut-être un russe dans le bus, oui. Je vais le pourchasser, c'est cyberpunk. Bref, et imaginons que... alors ça, c'est si on prend les règles un peu absurdes à la Terry Pratchett, j'ai fait une réussite critique, je vais courir aussi vite que The Flash, parce que j'ai fait un 20 naturel. Mais supposons que je fais un critical failure, un échec critique, tout simplement. Il y a une banane, je tombe par terre, je me casse la gueule, je me pète un bras. Et alors ça, c'est dans le cahier des règles. On sait en dessous de quel chiffre on fait un échec ou on réussit. Oui, mais en général, donc en fait, tout simplement, on va dire, c'est comment mesurer le danger, mais c'est en fait en général le dé critique et l'échec critique, c'est pas forcément dans les règles en fait, c'est plus les joueurs qui inventent ça pour rendre les parties plus amusantes. D'accord, ok. Mmh. Ah oui, donc c'est pas... C'est la règle du fun. Ok, ok. Mathieu Levis, y a aussi ce passage où on crée son personnage avec ses fiches et tout ce qu'on doit établir. Ça prend un temps fou, même avant même de démarrer une partie. Mais ça fait partie du plaisir. Parce qu'en fait, tu as la possibilité de créer à partir de zéro le personnage qui soit te ressemble, soit est ton opposé polaire. C'est celui que tu aurais voulu être ou c'est celui que tu as envie de jouer cette fois-ci. Il peut avoir un autre sexe, une autre couleur. Mais complètement. Et donc tu vas lui inventer une vie. Et ensuite, tu vas réussir à être créatif dans la contrainte. Tout le principe du jeu de rôle, c'est ça, c'est être créatif dans la contrainte. On a évoqué les règles. Les contraintes sont génératrices de liberté. Exactement. Toutes les règles vont te permettre de savoir ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Mais tu vas essayer de transiger et de négocier avec ces règles pour réussir à avoir le personnage qui va te faire le plus plaisir. Et donc cette création de personnage, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tu vas vivre avec ce personnage de partie en partie et tu vas le faire évoluer. Et c'est réellement le sel du jeu de rôle. Coralie David, il y a aussi ce maître du donjon. D'ailleurs, pourquoi ça se passe dans des donjons ? Pourquoi des souterrains ? À l'époque, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était la campagne de Blackmoor, en fait, qu'a fait Arneson. Il y avait ce côté où c'est un espace restreint, donc du coup, ça fait super peur. Cadre les joueurs. C'est ça, ça cadre. En fait, on est un petit peu dans un labyrinthe, on cherche son chemin. Disons que ça aurait été plus compliqué si tout de suite on avait eu affaire à un univers extrêmement large. Bon, il a élargi très vite l'univers par la suite, mais des retours qu'on a sur comment il a maîtrisé la partie, il y avait un côté, en fait, vous voyez pas ce qu'il y a après le dernier couloir, quoi. Oui. Et donc du coup ça fait super peur et c'était l'occasion de mettre en place plein de choses au niveau de la découverte et au niveau ludique aussi parce qu'on cherche son chemin, il y a des pièges, il faut les désamorcer, on va croiser des monstres, on cherche des trésors. Donc du coup c'était vraiment un espace qui justement quand on parle de contraintes permettait de faire pas mal de choses mais en étant quand même assez cadré pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est une logique quoi. Qui ressemble un petit peu à celle de Resident Evil, le jeu vidéo où on est dans des couloirs comme ça et y a une forme de contrôle que le joueur ne maîtrise pas. Ouais, et puis il y a une forme de découverte aussi pour lui qui est super importante. Après bon tout ça va s'élargir évidemment mais au départ ouais d'avoir cette exploration de donjon, c'est aussi qu'aucune partie va se ressembler. Parce qu'il y a des donjons qui sont plus ou moins libres, plus ou moins de chemin. Donc souvent, ça se présente avec des numéros sur des pièces et des couloirs. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Et suivant l'ordre dans lequel on fait les pièces et les couloirs, il est possible qu'on découvre pas tout à fait la même chose de la même manière. Et du coup, l'histoire change. Et en fait, c'est assez riche. Là, vous allez trouver une taverne d'elfes, mais ouverte à toutes les races. Oh ! Ok, alors dedans, c'est bondé et bruyant. Des gnomes tourmentés vont d'une table à l'autre, portant des chopes d'hydromel aux clients. Tourmentés ? Pourquoi tourmentés ? On s'en tape. Je vais voir un serveur et je me présente. Pourquoi il sait pas parler ? C'est un gnome, il parle gnome. Est-ce que quelqu'un parle gnome ? Oh ! Oui, la Vernica parle gnome. Blockbuster sur France Inter. La vie comme l'histoire se répète. Oh, comme le temps a passé. Je crains de revivre sans le savoir. Attaché. C'était La Féline avec Où est passée ton âme. Samuel Cohen-DeVos, il vous est déjà arrivé d'être maître du jeu, bien sûr, maître du donjon. Et qu'est-ce qui était essentiel pour réaliser une belle partie ? L'improvisation, en fait, tout simplement. C'est comme si on se retrouve sur scène, parce que quoi qu'il arrive, tes joueurs vont faire n'importe quoi. Donc c'est à toi de réagir à leurs conneries et de leur proposer soit de contrecarrer leurs plans, soit de subrepticement les amener vers le scénario qu'ils essayent autant d'éviter. Et alors ça peut prendre des heures. Ça peut prendre des heures. Bah, parfois, comme je disais tout à l'heure, parfois, moi, j'ai pour objectif de faire des one-shots qui durent environ 3h, 4h. Malgré ça. Déjà, faut quand même se préparer une belle plage horaire. C'est ça. Voilà, on se dit pas, tiens, je vais me caler une petite partie de jeu de rôle entre le fromage et le dessert. Ça n'arrive pas. C'est ça. Et ça va durer 6h, 7h, malgré tous mes efforts. Mais c'est bien, c'est fun. Jérôme Larrey, est-ce que, effectivement, toute partie de jeu de rôle dure aussi longtemps? Alors, moi, je vais faire la personne qui dit tout le temps, non, mais il y a plein de trucs différents, tout ça. Alors nous quand on joue nos parties, alors en ce moment c'est des parties qui se font à distance, donc ça dure une soirée 3h30 à peu près. D'habitude on jouait un format qui était en gros, ça durait la journée du dimanche. Et avec des amis qui travaillent aussi dans le jeu de rôle mais qui sont en fait pas localisés dans la même ville que nous, il nous arrive de faire des parties d'une demi-heure entre midi et deux à certains jeux qui sont prévus pour, avec des scénarios prévus pour. C'est très particulier, c'est aussi pas mal pour jouer ensemble. Il n'y a pas des choix délirants, il n'y a pas des histoires qui vont être des grandes sagas épiques. Mais c'est aussi une façon de pratiquer ce loisir, en fait. Ah, donc ce n'est pas une fatalité, ça peut être beaucoup plus court. Et il existe des jeux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Il y a même des jeux qui sont prévus pour qu'on y passe un quart d'heure tous les jours, parce que c'est plutôt des jeux solo. Après, dans la très très grande majorité, dans la tête des gens, quand on parle d'une partie de jeu de rôle, on parle d'une partie qui va durer une soirée. Quand on est étudiant, une soirée, ça dure jusqu'à 6 heures du mat. Quand on a la quarantaine et des gamins, une soirée, ça dure jusqu'à minuit. Et quand on vit à Paris, une soirée, ça dure jusqu'au dernier métro. c'est tout à fait ça. Alors on le sait, à chaque époque a son bouc émissaire, hein, dès qu'il s'agit de parler de la décadence des jeunes, le rock, les jeux vidéo, le scoutisme, mais les jeux de rôle aussi, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas me fait rire parce que moi, les jeux de rôle, bien sûr, à l'âge que j'ai 50 ans passé, mais j'ai l'impression des scouts attardés en ce qui concerne ceux qui vont continuer à jouer à ça. Avec les jeux de rôle aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'il ne faut plus vraiment la part des choses entre ce qui est l'imaginaire et la réalité. Ben, on s'amuse bien, mais effectivement, je pense qu'on perd complètement le pied de la réalité. Et bon, moi, je pense sincèrement que quand on a 14, 15, 16 ans, ça peut être très drôle, je vous dis, comme quand on est scout et qu'on va faire un jeu de piste ou je sais pas quoi. Mais quand j'entends qu'il y en a qui ont bien plus que ça et qui s'en vont à Brocéliande, que je connais bien par ailleurs, ça me fait doucement rigoler. Donjons et Dragons a conquis tous les enfants de 6 à 18 ans. Ce n'est pas le cas des adultes qui pensent que ce jeu est lié à des suicides et à des meurtres. Le problème est que certains enfants prennent le jeu trop au sérieux et vont plus loin. Ils jouent un personnage qui leur donne la force qu'ils n'auraient jamais dans la vraie vie. Il a comme inconvénient d'enfermer un certain nombre d'adolescents, un peu comme une secte, dans des comportements extrêmement stéréotypés, avec une pseudo-normalité, et où on ne se rend pas compte à quel point ils prennent tout au premier degré, sans recul. Mathieu Levis, il y a une hystérie totale autour du jeu de rôle. On l'a souvent accusé de tous les maux. Ah oui, mais alors, moi j'ai la chance de travailler dans un domaine où on a été diabolisé sur toutes nos activités. C'est-à-dire qu'on produit des dessins animés comme Wakfu, la télévision... C'est l'horreur. Ça rend les enfants violents, bah oui. Ça rend asocial. On produit des jeux vidéo, les jeux vidéo rendent violents. Et nos jeux vidéo ont le malheur d'être des MMORPG, c'est-à-dire des jeux de rôle en ligne. Et donc, visiblement, les gens ne savent pas faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. En fait, ce sont souvent des difficultés générationnelles. C'est-à-dire que les parents ont du mal à comprendre ce que font leurs enfants. Et ils s'inquiètent pour eux. Et c'est normal, et c'est sain. Simplement, je pense que maintenant, on a quand même suffisamment de recul pour savoir qu'à chaque génération correspond son passe-temps et que jusqu'à présent, on n'a pas une génération entière qui est devenue folle et qui a causé la perte du monde. Coralie, David, est-ce que vous-même, en tant que joueuse, vous avez eu à faire à ce préjugé autour du jeu de rôle ? Alors assez indirectement pour le coup, parce que quand j'ai commencé à jouer, ça me ramène assez loin en arrière maintenant. J'étais déjà en études supérieures, donc du coup il y avait un cocon assez bien protégé. On faisait nos petits jeux. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en recherche. Il y a quelque chose qui s'y apparente, je pense, c'est quand j'ai 11 ans dans la cour de l'école. Je lis un livre dont vous êtes le héros et j'adore ça. Je commence un peu comme ça. Et ma prof de français avec qui je m'entendais très bien, j'avais des super notes, elle me voit, elle fronce les sourcils, elle me prend le livre des mains. Et puis elle le regarde d'un air super dédaigneux et puis elle me dit non mais ça en fait vous lisez pas vraiment parce que c'est des petits paragraphes. Donc voilà, c'est passé très vite au-dessus de moi, mais... Et c'est un discours qu'on retrouve aussi aujourd'hui avec le manga, mais tu lis pas un livre en fait. Ouais, voilà. C'est quand même des mots, hein. Plutôt sur le côté, ouais, c'est pas légitime. Après, sur le côté chasse aux sorcières, voilà, l'impact personnel. Moi, heureusement, j'ai eu la chance de pas y être trop confronté, quoi. Jérôme, qu'est-ce que vous apporte une partie de jeu de rôle? C'est un sujet vaste. Allez-y, hein. C'est votre espace. Alors moi déjà, ça m'apporte beaucoup de plaisir. C'est quelque chose, c'est un de mes loisirs favoris. Enfin, c'est ma passion, j'en ai fait mon métier, etc. Il y a bien sûr cette dimension d'évasion qu'on va beaucoup entendre. Pour ma part, c'est aussi quelque chose de créatif. Alors pas juste parce que c'est mon métier, mais le fait de proposer des choses en fait. Quand on joue au jeu de rôle, on crée forcément quelque chose. On fait partie des auteurs de l'histoire qui est en train de se faire en fait. On joue aussi en proposant des perches qui vont permettre aux autres de briller autour de la table. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs. Hein. On va vraiment être auteur d'un espèce de film qui se joue dans nos têtes. Et l'autre truc que m'apporte le jeu de rôle, et peut-être que justement les gens qui étaient contre ont un peu raison d'avoir peur, alors pas parce qu'on va confondre la réalité et la fiction, mais parce qu'en fait on va se réapproprier la fiction. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des mythes, ils appartiennent à des grandes sociétés de divertissement, on va dire. Moi, je sais que l'avantage que j'ai, c'est que si j'ai pas aimé, par exemple, la dernière trilogie de Star Wars, j'ai pas besoin d'aller chouiner. J'appelle mes potes et on la joue. Ah, ça, plus c'est personne ne pourra venir nous embêter. Oui, une réappropriation des œuvres culturelles et on les met à sa sauce. Exactement. Et Disney peut pas tester face à mes potes et moi, en fait. En tout cas, il peut pas dans mon salon. Après, peut-être il gagne. Attendez, vous êtes en train de nous dire que le jeu de rôle pourrait aussi être une plateforme de résistance anticapitaliste? Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que bon, d'accord, dire. C'est un peu ce que j'ai dit. Voilà, voilà. Allez, faisons exploser l'étoile noire. Mais on est sur quelle radio déjà? Ben, Radio Bolchevique, voyons. Samuel Cohen-DeVos, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez toutes ces critiques? Parce que vous m'avez l'air d'être un garçon très sain et d'être particulièrement heureux de faire des jeux de rôle. Bah oui, mais bon, déjà en fait. Ce qu'il faut dire, surtout grâce au jeu de rôle, c'est que c'est un moyen d'expression pour plein de personnes, en fait. Le Critical Role a aussi bien marché parce qu'ils ont beaucoup apporté leur aide et une voix au mouvement LGBT qui est aux USA, mais partout dans le monde, etc. Parce que ça a permis à des joueurs, par exemple, d'explorer l'autre genre, d'explorer leur créativité, ce qu'ils veulent être, à l'abri de s'exprimer comme ils veulent. C'est vraiment un moyen d'expression absolument génial. Et puis moi, en tant que comédien, c'est génial parce que je peux tester des voix, je peux tester mon retour à la scène, je peux tester moi en tant que scénariste. En fait, le jeu de rôle, ça permet de rencontrer des gens et de mettre à l'épreuve sa créativité, en fait. J'ai eu des joueurs, par exemple, qui sont venus avec des instruments ou d'autres qui ont écrit des chansons. Jour. J'ai pas de personnage pour toi. Non, je m'en fous, j'ai pas besoin de personnage, je veux jouer, c'est tout. Je crois que tu... Intègre-moi dans votre partie de jeu débile, illico. Ok. Alors que les gobelins battent en retraite, vous remarquez un vieil homme de 67 ans, nu et désarmé, couché dans l'herbe mouillée. Il s'appelle... Pierce Hawthorne, et j'ai 66 ans, crétin. Il mourra de froid à l'issue du 13e tour. Jeff, je vais attendre le 14e tour. Allez vous faire voir, c'est moi qui vais gagner. Je me dirige vers l'homme nu et je lui donne mon omuse. Pierce, je suis Duquesne. Du clan Duquesne. Nul ce nom. Je vais lui prendre son épée. J'ai le droit de prendre son épée? Tu as son épée. Pierce, ça sert à rien ce que tu fais, tu joues n'importe comment. C'est ce qu'on verra. Très bien, alors je reprends l'épée de Duquesne à l'homme nu. Je l'attaque, j'attaque le visage noir. Coup critique. Pourquoi? Tu viens de le décapiter, Brutalitops est mort. Quoi ? Non ! Chang, je vais devoir reprendre la feuille de ton personnage. C'était un extrait de la série Community et l'épisode 14 de la saison 2 pour être précis. Mathieu Levis, les jeux de rôle ont vite évolué vers les ordinateurs et le PC. Et est-ce qu'on peut dire que Warcraft et le studio Blizzard sont un peu les enfants de Donjons et Dragons? Alors, est-ce qu'on peut le dire? Aucune loi ne l'interdit. Pas encore, du moins. Pas encore, mais on devrait y réussir. Mais en réalité, les MMORPG, donc les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, ça fait beaucoup de mots, ce sont des jeux auxquels tout le monde peut jouer en même temps depuis son ordinateur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, avec un univers permanent, c'est-à-dire que l'univers continue à exister même lorsque le joueur n'est plus là. Les serveurs continuent de tourner. Exactement. On appelle ça un jeu de rôle. Mais la réalité est que c'est un jeu vidéo avant tout, c'est-à-dire qu'il est régi par des règles, on va récolter des ressources, on va pouvoir acheter des maisons, on va pouvoir forger des choses. La partie jeu de rôle, elle va se situer entre les joueurs, c'est-à-dire que le jeu vidéo lui-même ne devient qu'un support à la socialisation et au partage que les joueurs vont pouvoir avoir entre eux. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des joueurs qui vont pratiquer comme un jeu vidéo, c'est-à-dire en essayant de faire des rushs, aller le plus vite possible pour gagner le jeu de rôle. Et il y a des joueurs qui vont jouer en groupe, en personnage, qui vont se créer une histoire et véritablement fictionnaliser cette pratique de jeu vidéo. Avec le joueur attitré au rôle de guérisseur. Oui, et puis une personnalité particulière, quelquefois une voix particulière, une manière d'agir. Un instrument aussi particulier. Alors j'espère que non. mais effectivement, il s'agit ici plus de plonger dans un personnage que de pratiquer un jeu vidéo à proprement parler. Coralie, David, est-ce que vous jouez à des jeux de rôle sur ordinateur ou uniquement les versions papier? Alors je joue aux jeux vidéo aussi. Au RPG vidéo, effectivement, pas autant que je voudrais. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je joue pas online. C'est très rare. Mais ouais, j'ai fait à peu près tout ce que BioWare a fait, qui est le studio de jeux vidéo qui a Mass fait Effect. Des jeux comme voilà, Mass Effect, Dragon Age. C'est des jeux que j'aime beaucoup. Parce que j'y retrouve dans le jeu de rôle sur table le côté univers riche, personnages fouillés, intrigues intéressantes. Je retrouve tout cet aspect-là. C'est évidemment pas tout à fait la même expérience, mais du coup, dans ses spécificités, je trouve que les RPG vidéo, il y a vraiment des choses merveilleuses en termes d'imagination. Et moi, je sais que quand j'y joue, ça peut vraiment me marquer. Je pense que ces jeux-là, en fait, m'ont plus marqué que plein de films et plein de séries, en fait. Jérôme, vous aussi, vous pratiquez les jeux de rôle sur les deux supports ? Coupable. Ce qui a été très intéressant, alors sur le jeu de rôle en jeu vidéo, bon, au départ, je l'ai surtout fait dans ce qu'on appelle la version japonaise, les JRPG, en fait. Plus que les jeux, on va dire, sur PC américains, la Baldur's Gate, etc. Skyrim. Ouais. Alors là, c'est effectivement plutôt Coralie qui est spécialiste de là. Moi, c'était plutôt les JRPG et on va dire... Les Secret of Mana, les jeux vidéo les de Squaresoft, Final Fantasy, tout ça. Chrono Trigger. Il faut dire qu'à une époque, en fait, c'était les jeux qui proposaient le plus facilement d'amener une histoire construite avec des personnages forts. C'est ce qu'on retrouvait. Depuis, il y a d'autres modèles qui ont existé. Ces genres de jeux ont été en crise, ont évolué, etc. Et il y a un troisième genre de jeu auquel on joue, qui est un peu entre les deux. C'est en fait se servir du fait de pouvoir jouer en ligne, etc. pour créer, pour refaire l'équivalent des parties sur table, un peu différentes, mais en ligne. Et on a même des jeux qui sont spécialement prévus pour ça. Je pense à un jeu qui s'appelle ViewScream, où en gros, vous allez jouer des gens qui sont séparés dans un vaisseau spatial. Vous êtes tous avec votre webcam, votre Skype, etc. Comme si vous aviez un décor, vous étiez pris dans une salle, et vous donnez des indications aux autres personnes de ce qu'elles doivent faire dans le vaisseau, et chacun joue son personnage. Et il y a des choses qui se créent à ce niveau-là qui sont super intéressantes. Bon, mais clairement, aujourd'hui, c'est des pratiques, enfin, moi, je pense être un peu marginal. mais les frontières sont super floues et ça arrête pas de bouger et c'est super super enthousiasmant. Voilà, c'est ce mot-là que je voulais dire. Oui, oui. Et durant ce confinement, il y a eu une explosion des joueurs et là sur le jeu de rôle classique. Alors c'est l'impression qu'on a. On n'a pas de chiffres à grande échelle. Nous, on peut voir sur les contacts qu'on a eus, que ce soit avec nos clients, que ce soit par exemple sur des. Il y a une convention en ligne qui a été organisée. Il y en a même plusieurs. C'est-à-dire que comme tous les conventions et les salons qui se tenaient pendant la période ont dû être annulés pour des raisons évidentes, certains ont décidé de les tenir en ligne sur Discord, sur des choses comme ça. Et on a vu énormément de gens arriver, énormément de parties se faire. Alors. Moi, je suis un peu, vieille école. J'ai un peu du mal à m'y mettre. Mais par contre, je suis allé voir, je suis allé parler avec les gens qui étaient dans les, je suis allé hanter les couloirs de cette convention virtuelle. Et il y a eu plein de discussions passionnantes jusqu'à pas d'heure, etc. Je sais pas comment sont passées les parties. Je sais que les gens avaient l'air contents. Il y a eu des conférences. Coralie avait participé à une. Il y a eu plein de choses super intéressantes. Et on voit que les gens s'en emparent, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avant qu'on parle de Radio Bolchevique. C'est-à-dire qu'on se rempart des choses, mais on se rempart aussi des médias, on se rempart aussi de tout ce qui nous permet de partager et trouver du plaisir comme ça, quoi. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter Céleste avec Stop This Flame. Mmh. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. C'était Stop This Flame de Céleste. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Guillaume Guimiot au téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, est-ce qu'on est amateur de jeux de rôle? Oui, énormément. Oui? Vous avez une préférence? Un Donjons et Dragons ou un autre? Alors, je dois confesser que je n'ai jamais joué de ma vie à Donjons et Dragons. Je ne suis pas très fan de Medieval Fantastique, en fait. Donc là, je vais me faire lyncher par... Bah, c'est surtout que vous allez perdre. Je vais mettre à ma place. Mais voilà, non, je suis plus sur Vampire, Septième Mer, Shan, des jeux qui changent un petit peu. Non, mais c'est très respectable. On valide. Et puis, vous inquiétez pas. Voilà, c'est validé autour de la table. Et puis, en plus, on va vous aider pendant le jeu. Alors, vous connaissez le principe. Vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Première question. Comment s'appelle la maison d'édition créée par Gary Gygax? C'était TSR, je crois. Et ben voilà. Mais il disait qu'il n'en est pas. Mais il est tout à fait capable de répondre aux questions. C'est pas compliqué. Question suivante. Dans Donjons et Dragons, combien de classes de personnages peut-on incarner? C'est une question à choix multiple. 5 classes, 8 classes ou 13 classes? Eh ben, ça dépend des éditions, mais je dirais 5 ou 8. Alors, c'est soit 5, soit 8, soit 13. Il faut donner une réponse. Ah, d'accord. 5. 5. Eh bien, non. Est-ce qu'on fait appel à un joker? Oui, j'aimerais bien. Alors, à qui on fait appel? Samuel Cohen de Vos, Mathieu Levis, Jérôme Larré, Coralie David? Eh bien, je veux bien Jérôme, alors. Bon, je suis en train justement de lire la boîte à outils du meneur de jeu. Ok, Jérôme. Alors, dans Donjons et Dragons, combien de classes de personnages peut-on incarner? Il reste 8 ou 13 classes. Alors, mais à quelle édition? La dernière. Je dirais 13. Eh bien, vous diriez bien. C'est une bonne réponse! Formidable! C'est effectivement 13 classes et ça date d'il y a très peu de temps, depuis 2019. Voilà, il y a une nouvelle classe qui s'appelle. On m'avait donné l'information, mais j'ai laissé la feuille sur mon bureau, donc je vais pas la donner à l'antenne. Voilà. Artificier! Merci artificier! Jérôme. Voilà, parce que heureusement, j'ai Céline dans l'oreille qui m'a bien transmis. Mercer a participé à la création. Dernière question. Dans quel film très célèbre peut-on entendre cette partie de Donjons et Dragons? Je voudrais jouer non, tu maintenant. Tu peux pas jouer, t'es un voleur. Je suis prêt. Allez, je suis prêt à jouer maintenant. On est au milieu d'une partie, Elliot. Tu sais qu'on ne peut pas rentrer au milieu d'une guerre. Mais est-il extraterrestre? Eh bien, c'est un sans faute. Vous venez de gagner un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Bravo. Ah, merci beaucoup. Je peux passer une petite dédicace, si allez-y. Une seconde. Allez-y. Merci donc à tous ceux qui m'ont encouragé, notamment les copains du forum Casus Belli et les experts de Rollis TV. Un gros bisou à Jeff, mon maître du adoré, qui me fait vivre de grandes aventures depuis 20 ans. Et puis à Alia et Paul, mes deux petits frères de 1 et 3 ans. J'espère que quand ils auront l'âge d'écouter le podcast de Blockbuster, j'espère que je leur aurai transmis la flamme du jeu de rôle et qu'on explorera des donjons. Merci beaucoup. Mais ils peuvent être fiers. Ils peuvent être fiers. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Alors, j'ai une dernière question, et là, c'est une question un petit peu périphérique à Mathieu Levis, parce qu'une campagne de crowdfunding a été lancée pour la dernière saison de Wakfu, ouais. Voilà, dont je suis un spectateur assidu. Ah bah ça fait plaisir. Où en est-on? Eh bien, on a dépassé tous les objectifs qu'on s'était fixés, ça a été une folie. Wakfu, pour cerner un petit peu, ça se passe dans le même univers que les jeux vidéo Dofus et Wakfu. C'est un dessin animé qui comptait trois séries. La troisième saison avait été diffusée dans le monde entier sur Netflix, mais on n'avait pas réussi à convaincre les diffuseurs de nous suivre sur une quatrième saison. Et pourtant, on avait vraiment une histoire très importante à raconter. On a fait appel à la communauté parce qu'ils nous ont dit qu'ils nous aideraient. On y est allé à reculons. On voulait pas vraiment y croire. Et en fait, ils ont explosé tous les scores. On est à 1 520 000 euros de financement, ce qui représente environ 20% du prix total de production l'attention de la saison. On espère surtout que ça va attirer l'attention des diffuseurs et qu'ils vont se dire « Mais finalement, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à cette histoire parce que peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. » Ah bah, moi, je peux confirmer que oui, il y a énormément de gens que ça intéresse. Oui. Voilà, donc il faut la diffuser. Donc, on sera sur une saison un petit peu plus adulte avec des thématiques un petit peu plus sérieuses. C'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à convaincre les diffuseurs qui pensent qu'un dessin animé s'adresse à un public pour jeune. Les enfants. Oui. Bon, eh ben écoutez, déjà ça c'est une bonne nouvelle pour Wakfu. Est-ce que rapidement, si on devait conseiller un jeu de rôle très vite pour des gens qui n'auraient jamais joué, pour s'essayer une campagne, laquelle? Coralie David. C'est dur, il y a plein de boîtes d'initiation de donjons. Nous chez Lapin Marteau, on fait un jeu qui s'appelle Ryutama, qui est notamment pour apprendre à maîtriser et qui est pour les enfants, qui marche plutôt parfait. Bien. Voilà. Eh ben c'est parfait, on conseille celui-ci. C'est la fin de cette émission, merci à tous et à toutes. Merci à Coralie David, Jérôme Larré, Mathieu Levis et le comédien Samuel Cohen de Vos. Céline Hila a réalisé cette émission. Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Comble l'ont préparé, aidé par Tom Malky, notre stagiaire. Et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmas et Julien Michel. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. J'ai gagné à Donjons et Dragons. Et c'était tant difficile.